bande de drogués. Vous allez aller tout en dedans, en prison, Ouais, le panier à salade, Gaétano, moi le panier à salade. Mais moi, excusez-moi. Je pensais pas pareil. Tu apparais quand je te fais pareil. Oh mon Dieu. Il se prend pour un chien. Si t'étais un chien, moi je te réinventerais des belles oreilles moins décollées, puis un nez moins prononcé. Un nez pour moins me renifler, savoir m'emplacer de temps en temps. Et savoir m'embrasser de temps en temps. Le feu au cul, la larme à l'œil, deux actions qui s'annulent. Oh, c'est du rap. Rip after me. Et qui? Rip after me. C'est de l'anglais, là. Anglais 101. Toi, c'est langue 212. Oui, porte 37. L'urgence, on demanderait à M. Gagné de se réveiller. C'est un sommeil profond. Dans les sommeils profonds, il y a... des rêves. Oh, des chimères. Des rêves chimériques. Ça, c'est de la redondance. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait pas des rêves chimériques. Parce qu'à la base, chimérique, OK, et rêve, c'est synonyme. C'est si bon. À devoir les deux. T'as-tu les deux pour les mains? C'est bon, ça. Tu fais ton émission. Attends un peu. Amène-moi une poitrine bien garnie. Il n'y a plus de pour les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, mon Dieu. Alors, fais-moi ton dentier. Non, mais j'ai pensé quelque chose qui ressemblait à des loukoulélis. Ouais, mais c'est pas vraiment le temps. C'est si bon. C'est si bon de se faire la passion en se changer. Je demanderais à la loi 101 et au Bill 22 de comparaître ce soir. En ce 25 avril. C'est si bon de se lever le torchon. Se lever le torchon, oui. Pour moi, la langue, c'est le torchon. Hey, c'est très romantique. Se lever. Attends. Non, mais pas t'attendre. C'est pas le moment de t'attendre. Lance-toi. Alors, le faux cul. Le feu au cul, le faux cul. Le faux cul qui se lève. Je demanderai, s'il vous plaît, ce soir, au faux cul de se lever. Ah ouais, lève-toi. Ah oui. Ben, c'est pas moi le faux cul, c'est toi le faux cul, voyons. Hey! Tu te masques depuis 25 ans, toi là. Ça fait 25 ans que je me cache en faisant des grimaces. J'ai fait le fou quand j'étais triste. Et croyez-moi, j'y croyais drôlement. J'ai fait le drôle quand j'étais triste. Et maintenant, je suis autant capot levé. Hey, ça, tu laisses dans l'imaginaire du peuple quelque chose d'assez profond. Mais pas si profond que ça. Là, quand je vais me réécouter dans trois semaines, un mois, deux ans, 20 ans, là, avec la turbitude dans le bras. La turbitude, ah oui, ça va être un nouveau, un onguent. Un onguent qui va succutaner. Oh mon Dieu, pas des affaires, succutaner. Je demanderai aux infirmières de m'appeler, s'il vous plaît, succutaner. Moi, j'écris ça comme ça, là, facilement, là, succutaner. Hein? Vas-y. Non, je laisserai à l'infirmière de me le diriger, de me diriger la main. Oh! vers les mots, oh, et surtout vers l'appellation de... Le feu au cul, la larme à l'œil, deux actions qui s'annulent. Alors, je raconte un peu le texte, là, parce qu'il y a des gens... Mais moi, je comprends pas, moi. Hey, moi, je suis né... Attends un peu, moi. Hey, attends, moi, te raconter. Non. Oui. Hey, moi, je suis né, là, dans une famille bien ordinaire. OK. Hey, pour la lecture, là, on devait prendre... Mais on possédait un oiseau. Un oiseau. On avait un oiseau. Pas un oiseau. Un oiseau. C'est quoi ça? Mais ça, c'est une bébête avec de la plume. Ben, de la plume. Puis ça fait pit. Et monsieur, un bel oiseau, c'est un très bel oiseau. Et cet oiseau-là, dans sa cage, dans le fond de la cage, il y avait un journal. OK. Dans ce journal-là, là. Il y avait des mots qui étaient raccrochés à travers les petites crottes. Des crottes. Mais dans l'œil, parce que moi, je me levais avec des petites crottes dans l'œil. C'était très, très sec chez nous. On n'avait pas d'argent. On mangeait nos petites graines dans l'œil. Puis après ça, c'est autre chose. Mais non, faut bien Gaétan, n'appelle-moi pas, je suis pas là. Mais on était pauvres, on pouvait même pas aller à l'école, même pas de souliers, on pouvait pas s'acheter des souliers, on se mettait des plures d'oignons en dessous. Ça sentait tellement bon. Hey, mes copines, après, là, en 1956-57, ils m'ont dit, mon Boréal, j'entends sonner dans ton cloche-pied, dans ton... Non, mon Boréal, oui, c'est moi, ça. On va aller à Montréal, mon Boréal. Mais voyons donc, j'ai même pas de voiture. Non, regarde, je vais monter à Saute-Mouton. Oh mon Dieu, j'ai jamais connu ça. C'est quoi dans... C'est quelle position dans le... Non, c'est pas une position. Ben, c'est une position, effectivement. Mais c'est que toi, sur tes plures d'oignons... Oui. Ça glisse, hein? Ah, ça glisse, aïe, donc, j'ai mal aux foufounes. Aux foufounes, les fesses. En tout cas, j'ai mal à l'endroit où je m'assis. Je dépose mon sarcophage. Oh, c'est un sarcophage! Ben oui, regarde. Elle m'a dit, la mort est là. La mort est là. Morella. Montréal! On s'en va à Montréal, Morella! Alors, Morénal, fais-toi attention, marche chez talons, puis appelle l'accordéon. Alors, on va l'appeler l'accordéon, mais elle devrait pas être... Écoutez-moi bien, mon cher monsieur. Oui. On vous tolère oui. Ce soir. D'accord. Oui? C'est qui ça? Ben, c'est... Je sais pas. C'est l'absolu. Oh, mon Dieu! C'est comme les chiffres absolus, là. Les connaissez-vous, les chiffres absolus? Absolument pas. OK. C'est le 3. 3. Pendant que certaines personnes Gaétan Pétri, oui! C'est une grande comédienne. Une grande, une belle, puis une rondelette, comme on les aime chez nous au Québec. Dans les années 70. Ça faisait de l'humour, cette femme-là. Ça faisait de l'humour. Jamais l'amour, mais juste l'humour. Mais quel humour! On l'a vu dans Michel Tremblay. Le grand Michel. Michel, les cheveux noirs, les lunettes rondes. Les années 70. Il parlait. Hé, moi, mes belles-sœurs! Mes belles-sœurs. Moi, c'est des millefeuilles, madame. Ah, mais moi, les belles-sœurs, t'es pas des millefeuilles. Pourquoi? Ben, parce que, premièrement, le texte de Tremblay, là. Les mille-sœurs. Une valse à mille-sœurs. Non, c'est pas celle-là. Non. Celle-là, elle est très bonne, sans doute. Je la connais pas. Je la connais pas parce que je l'invente à mesure. La mesure est totalement arbitraire. Effectivement. Alors, le feu au cul, ça, c'est... Écoutez, quand il y a un feu, ça brûle. Quand il y a l'alarme, là, c'est de l'eau à l'œil. Deux actions qui s'annulent. Feu et eau. Oh, je viens de comprendre! Ben voilà. Rendormez-vous, M. Thibodeau. L'émission est terminée. C'est terminé pour vous ce soir. Toi qui croyais... que c'était lui. Écoutez-moi bien, mon cher monsieur. Oui. On vous tolère oui. Ce soir. Oui, j'ai rien contre cette dame-là. Là. Mais j'aimerais en savoir davantage. Elle s'arrête déjà. Ce soir. Mais oui, mais vas-y, continue. Lâche ta critique. Oui, les critiqueux, là. Hey. T'as mis du Robert Charlebois. Ben oui, mais continue à m'en mettre du Robert Charlebois. Je l'aime, Robert Charlebois. Puis il y en a qui se trompent entre Robert Charlebois, madame. Puis l'autre, là, Georges Dor. Ça peut faire la différence. C'est du Québécois, là. Oui. Les séparatistes, vous êtes des monstres. On va vous détruire. Écoutez, essayez. Nous, contrairement à vous autres, on n'est pas robotisés. Oh! On n'est pas idéologiquement. Idéologiquement? Logiquement. OK? Le logis dans lequel on habite, dans le grand paysage du vouloir, nous amènera un jour au pouvoir absolu. Oh! La qualité première d'un crayon qui n'écrit pas, c'est qu'il évite que l'on rédige des conneries. C'est de qui, ça? C'est de Rénal Gagné. Pas le... Oui, celui-là. Ah non, le... Oui, celui-là. Pas vraiment le... Oui, le. La création littéraire naît en écrivant. Et lui, après ça, il a eu mal à la tête. Ah, mon Dieu, ça faisait... Dans sa tête. Dans ses pieds. Dans son talon. Hey, j'ai mal derrière le talon, moi. Madame de Thibodeau, avez-vous... Moi, j'ai aucun mot. J'ai pas de mots, moi. J'ai pas de dialogue, j'ai pas de vocabulaire. Ah, comme bien du monde. Alors, la création littéraire née en écrivant, on l'a dit. Et puis, ben, vous êtes à l'émission Errance Rénaldienne. Merci. Vous êtes très, très gentils et nombreux. Plus on est de fous, madame, monsieur, mademoiselle, garçon, fille, et tout autre qualificatif qui représente un être vivant, plus on rit. Et le rire est la chose la plus exceptionnelle que l'on peut avoir aujourd'hui. On perd un être cher, c'est difficile. On s'attend à quelque chose de très, très énorme à relever. Mais après, il y a des gens, il y a des êtres, il y a des bêtes. Des bêtes. Moi écoute, j'ai une grenouille. Ah, n'as-tu pas acheté? Oui, tu te l'as acheté. Non, je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné. Comment ça? Ben, je vais te raconter. Rita avait Rita Bibelot. Pas la belle Rita. Oui, la belle. Celle qui... elle va me donner, elle m'a dit avant-hier, mon Reynald, si tu veux savoir ma recette de salade aux choux crémeuse au tofu, m'a te la donner. Non. Surtout tofu, moi, tu viens de dire un mot que je veux rien savoir. Tofu. Tofu un jour, une fille extraordinaire. Tu as été une fille, je crois. Mais maintenant, ma belle, que t'es converti à je sais pas quoi, au VG, à tout ce qui est vert, à tout ce qui est... Mais moi, ça fonctionne pas, moi. Moi, il faut du croquant, là. Il faut de la vie, il faut du sang! T'es un malade, oui, merci. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et errance rénaldienne. En passant, bonjour les enfants. Bonjour! Bonjour les enfants. Bonjour! Comment ça va? Oh, moi, ça va bien. T'as réussi ta maternelle? Démettant la grenouille. Ah, oh, mon Dieu. T'as connu ça, toi? Ben, mon papa. Ah, t'as un papa? Ben, j'ai trois papas. Trois papas? Ma maman a cinq mamans. Voyons donc. T'as trois papas, cinq mamans. Trois papas, cinq mamans, six tontons, 12 tantes, 18 cadeaux, 50 000 courage, quoi, ça demain, et 18 lits. Une petite fille, malgré tout ça, une petite fille qui est très mêlée. Très mêlée, très, très mêlée. Ma mère me disait qu'à un certain moment de la vie, là, à un certain moment, dans la temporalité, surtout dans les années 40, 50, 60, 70, on restait avec celui-là qui nous avait fait un enfant. On l'endurait. Mais il y a des marginaux, marginaux, télémarginaux, OK, on doit continuer, non? Qui Eux, ils disaient, écoute, là, je l'ai rencontré, ça fonctionne plus, là. Aujourd'hui, ça va très bien. Alors, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, l'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs. On a presque entendu Diane Dufresne, hein, madame? Ouais, oui, mais là... Écoutez-moi bien, mon cher monsieur. Oui? On vous tolère ce soir. D'accord, merci. OK, on l'a passé, elle l'a. Attention, Facebook, non, mais elle veut s'exprimer, elle a le droit. Mais pas trop longtemps. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Aujourd'hui, le vendredi 25 avril 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et croyez-moi, on dirait qu'actuellement, je fais une gymnastique de la mâchoire. C'est comme si je chiquais 25 gommes en même temps. Chiquer en maintenant... Chiquez en maintenant, en voilà dans les gueules heureux. Ah oui, tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout Sifflez en travaillant, sifflez en travaillant et vous verrez, c'est pas méchant. Et surtout, ça nous amène un rictus. Au niveau de l'omoplate cérébrale, ça, c'est celle qui est en haut du cerveau, là. Cérébrale, c'est bien beau, le cérénal, mais cérébrale, c'est en haut. Le Robocop en a pas. Moi, je l'ai vu, Robocop, moi. C'est un bon film, il y en a des belles images là-dedans. Le son, mon siège bougeait. Mais c'est parce qu'en arrière, il y avait un couple d'amoureux. Ça bougeait pas trop normal parce que ça suivait pas le tempo du film. Normalement, le film faisait... Puis eux autres faisaient... Mais voyons donc, toi! Ils se croyaient... Est-ce qu'ils s'imaginent dans une chambre fermée? Là, je me suis retourné. Mais là, c'est pas ça. C'est parce que la dame d'en arrière s'était étouffée avec du maïs soufflé. Il paraît que... Là, je la crois pas, là. Il paraît que le maïs... était pas encore éclos. Éclos. Ça veut dire qu'il était encore pas formé, il avait pas encore pété. Puis là, il était rendu dans le milieu de son gorgoton, puis là, pff, c'était impossible, il faut de la chaleur. Là, j'ai envoyé l'idée aux stupéfiants. L'émission de télévision, ils font des expériences, là. En anglais, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Buzz Ross, Buzz Bruce, Buzz Bird, Buzz Bird, en tout cas. Moi, c'est en français, là. Les stupéfiants que je regarde sur mes internets. Je leur ai demandé, c'est-tu possible, là, que maïs soufflé pète dans la gorge? La dame, là, elle pétait en dehors. Mais, je dis, elle pète en dedans, elle pète en dehors. Elle va me péter une crise de nerfs, là. Elle était verte, elle était... J'avais jamais vu ça, moi, à part des algues aux îles Fidji, parce que j'ai voyagé aux îles Fidji avec le Capitaine Bonhomme. Capitaine Bonhomme. Ah non, on n'a pas le temps de faire le Capitaine Bonhomme, là. Ouais, Madame Tremblay, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pas grand-chose. Alors, aujourd'hui, le vendredi, on l'a dit, on va croiser, on va rencontrer, on va parler avec Tom Poisson. Vous auriez pu croiser Tom Poisson il y a 10 ans. Sillonnant la France à chevaux, à charrettes. Ah, que c'est merveilleux! Il a fait aussi, en même temps, plus tard, presque, somme toute. Mais voyons, on n'a rien compris. Pouvez-vous mettre la... Oui. Écoutez-moi bien, mon cher monsieur. Oui. On vous tolère merci. Ce soir. Merci, merci. Hé, hey, mon Dieu, je vais avoir une injonction de coordination. Alors, vous auriez pu croiser Tom Poisson il y a 10 ans, sillonnant la France à chevaux et à charrettes. Peut-être même, vous l'avez entendu, fredonner du Nino Ferrer avec Nino Chante Ferrer en 2000. Il a fait au moins 200 concerts, pas 200, 210, 215, Madame Tremblay, 215, 250, 230, non, 200, 200, du G200. Ouais, en 2009-2012. Il s'amuse à mélanger les genres, la musique, les mots avec son ami Fred Palem. En juillet 2013, Errance Renaldienne était là à Paris. On l'a attendu. Il était pris dans des embouteillages. Des embouteillages. C'est fou à Paris, hein? Surtout quand tu pars de quelques heures, puis t'arrives à Paris. Hey, mon Dieu, d'ailleurs, hey! National 7. On a massé Cati Tati tout 7. Avec Tati Tati par 7. Quatre nationale 7. Vite, vite, venez vite, venez tous, viens dépêche-toi. Vite, vite, debout vite, réveille-toi, il faut voir ça. Vont marche, 4 à 4, descendez vite, découvrez sans tomber avant fenêtre. Vite admirer, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Vite, vite, venez vite, viens vite, venez tous, viens dépêche-toi. Vite, vite, debout vite, réveille-toi, il faut voir ça. Celui qu'on croyait fou a gagné son pari. Il a fait l'impossible, il a ébloui nos yeux et nos cœurs. Vite, vite, venez vite, viens vite, venez tous, viens dépêche-toi. Vite, vite, debout vite, réveille-toi, il faut voir ça. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. J'ai bien mérité un verre de vin. Oui, ben oui. Ouais, je crois aussi. Ben, il devrait repasser parce que la commande a été placée de côté. Jean-Michel, alias Tom Poisson, bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonne nuit. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas quelle heure il est exactement. Ben, mon émission, minuit. D'accord. Donc, c'est le soir, le début de la nuit. Alors, comment ça va, mon Tom? Ça va bien. Je suis ravi de te rencontrer enfin. Oui. On a travaillé depuis 3 ans à se rencontrer, mais exactement. Tu avais des projets discographiques et aussi sur scène, donc on ne pouvait pas tout faire en même temps. Donc aujourd'hui, c'est le moment propice. Voilà. Et même cette année, on a quand même galéré un peu pour placer une journée précisément, mais nous voilà maintenant. Enchanté parce que, en fait, ce qui me plaît dans ton univers, c'est le côté burlesque. Le côté... comment dire, un peu même extravagant au niveau de l'écriture, au niveau de la façon de le remettre au public, toujours quelqu'un qui pense ça à travers l'humour, à travers la singularité. Et on sent aussi le gars qui a travaillé beaucoup avant d'arriver au premier album, parce que tu es avant tout un musicien de rue, un gars qui a travaillé dans la rue, qui a travaillé avec des groupes avant d'arriver en solo. Le parcours est assez long, ouais. J'ai plus exactement 20 ans, donc effectivement j'ai fait pas mal de trucs. Alors, est-ce que j'ai travaillé beaucoup avant le premier album? Je ne me rends pas compte. Effectivement, c'est un parcours d'une dizaine d'années avant le premier album, avec effectivement des groupes, des troupes de théâtre. Et puis, mais bon, finalement, pour moi, ça a toujours été la même démarche, c'est-à-dire c'était toujours lié à l'écriture de chansons, beaucoup. Et même si à la base, je me suis pas considéré chanteur, j'ai mis du temps à m'assumer en tant que chanteur, finalement. Pour moi, le plus important, c'était d'écrire les chansons et pas de les chanter. C'est vrai. Chanteur, compositeur, interprète, ça se dit rien que. Qu'est-ce qu'il vous fallait ? Alors, qu'est-ce qu'on a ouvert en blanc ? Vous êtes plutôt quoi, sec, fruité, sucré? J'ai vu qu'il y a du vionnier, mais c'est tout ce que j'aime pas. Ok, bah sinon j'ai du Sancerre. Sancerre, très bien. Ouais. Chardonnay, sinon après j'ai un petit puits fumé. Sancerre, très bien. Sancerre? Ça marche. Ouais, je disais que j'ai mis du temps à me considérer à chanteur à part entière. C'est pour ça que d'ailleurs que les premiers albums s'appelaient Tom Poisson fait des chansons. Pour moi, c'était presque plus important de d'écrire la chanson, et j'avais oublié, j'avais mis un peu de côté le côté interprète du métier. Mais pourquoi Tom Poisson ? Parce que mon nom d'état civil est bien compliqué pour envisager une carrière de chanteur. Donc j'ai réfléchi exactement 2 minutes 30 et j'ai trouvé Poisson, et puis j'ai réfléchi une minute de plus et puis j'ai trouvé Tom, voilà. Et après je me suis plus posé de questions par rapport à ce nom d'artiste, mais qui a maintenant pris de la valeur pour moi affective, parce que si les gens m'appellent pas par mon vrai prénom mais par ce nom d'artiste, ça a du sens pour moi maintenant. C'est important. Ouais. Mais rapidement, si on suit uniquement à ton nom de scène, donc un mec fait de la musique ou de la chanson pour enfants, Tom Poisson, allô les enfants, c'est Tom Poisson. C'est un peu le problème, ouais. Peut-être que j'aurais dû réfléchir un quart d'heure de plus. Non, mais c'est quand même intéressant parce que ça donne la couleur sur scène. C'est pas Gershwin, c'est quand même Tom Poisson. On s'attend à quelque chose d'un peu plus léger, de moins... Ouais, même si la légèreté, c'est pas ce que je recherche personnellement, c'est la sincérité plutôt. Oui. Même si des fois le parcours jusqu'à sa propre sincérité peut être long, tant on peut avoir soit de pudeur, soit de maladresse, voilà, donc d'aller à sa propre rencontre, ça peut prendre un certain nombre d'années des fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'origine quand tu étais dans un groupe qui s'appelait comment, dont je l'ai indiqué, mais parce que je veux pas te détruire. Arnulf. Ouais, et qui signifie quoi? Ah là, c'est bien long. C'était, okay. C'était plutôt une plaisanterie d'étudiant avec un camarade, ouais. Okay. Sauf que ce groupe, effectivement, c'était le groupe que j'ai monté en premier, qui a évolué en fait. De style, même si l'essence était un petit peu portée sur du groove, sur du funk, de l'acid jazz, malgré tout en français et malgré tout format chanson, donc le cahier des charges était assez lourd. Et à l'arrivée, quand on a sorti l'album en France, qui est sorti sans sortir puisque la maison de disques a coulé juste après la signature de mon contrat, et donc c'était à l'époque une sorte de pop easy listening, voilà, avec un fond comme ça de rythmique un peu groovante. Mais comment le groupe s'est dissocié? C'est parce que tout le monde voulait faire cavalier seul, il y en a d'autres qui décrochaient parce que c'était pas assez payant, il fallait quand même amener de l'eau au moulin, la famille commençait à grandir pour certains, ou si c'est tout simplement une idéologie qui s'est modifiée avec les années? Non, c'est juste que dans le groupe en question, on jouait beaucoup électrique, il y avait tout le temps beaucoup de volume sonore, et j'avais envie de revenir à des nuances beaucoup plus acoustiques, voilà, et à des chansons qui n'avaient pas leur place dans le groupe, voilà, tout simplement. Mais est-ce que c'est toi qui écrivais les paroles de ce groupe-là ou Oui, oui. Okay. C'était mon projet de la même façon que Tom Poisson et mon identité musicale, voilà. Mais par la suite, est-ce qu'il y a des gens de ce groupe-là qui se sont associés à ton... Oui, effectivement, j'ai eu un binôme pendant un certain nombre d'années. Okay. Avec qui on a enregistré les deux premiers albums. Et lorsque tu as commencé à faire Cavalier Seul sans ton groupe, donc avec le nom de Tom Poisson, mais avant ça, c'est vrai, après le groupe, tu t'es dissocié, donc tu es parti travailler dans la rue. Et comment ça s'est passé? Pourquoi travailler dans la rue? C'est une école? Non, c'est un peu... Je suis pas allé chanter mes chansons dans la rue, c'est autre chose, c'est une troupe de... Oui, exactement. Ce qui n'était pas encore une troupe de théâtre, puis qui est devenu une troupe de théâtre à part entière, m'a embarqué avec eux sur les routes de France, avec des chevaux, des charrettes, et il était question de jouer des pièces du répertoire, mais avec beaucoup de musique, avec du Molière. La première année, on est parti en jouant un médecin malgré lui. On a fait découvrir le théâtre à beaucoup, beaucoup de gens partout en France, dans des dans des départements vraiment du sud de la France vraiment la campagne profonde, ouais. Qui avait pas accès au théâtre. Voilà, donc c'était pas du spectacle de rue, c'était vraiment du théâtre dans la rue, mais avec beaucoup de musique. Beaucoup de musique toujours dans ces spectacles. Et puis cette compagnie, elle s'est développée, elle a duré 10 ans. Et j'ai fait 3 ou 4 spectacles avec eux. Mais pour être intéressé à l'art dramatique au théâtre, tu avais une formation dans ce créneau-là ou pas du tout? T'étais... Non, c'est juste que j'avais des copains comédiens qui m'ont dit viens avec nous, je suis sûr que tu vas être bon comédien. Voilà. Alors dans tu t'es lancé. Directement dans le Grand Bain, j'ai jamais pris un cours de théâtre et je suis arrivé le premier jour dans un petit village à côté de Limoges pour jouer donc Léandre. C'était quelque chose. C'est une belle école. C'est une belle école, ouais. C'est une belle école. C'était vraiment des années assez stupéfiantes pour nous parce qu'on était. Déjà, on était beaux, on était jeunes. Jeune et fou. On était fous. On était aussi toute la journée dehors, toute la journée sur la route à marcher. Parce que quand on dit qu'il y a des chevaux et des charrettes, on n'est pas dans la charrette, on est à côté de la charrette. Donc on marche énormément de village en village. Et ce qui nous. Voilà, ce qui nous donnait. Et le soir, on arrivait dans les villages, on montait le décor, on jouait dans les villages, on dormait à la Belle Étoile, on repartait le lendemain matin à 8h. Donc c'était des années assez dingues. Putain, j'ai la trouille, j'aurais eu le trac toute ma vie. Je serais bien débarrassé dans 2h30. Tout ça sera fini. J'ai connu l'époque des billets parfumés, des filles, des vêtus planqués. Fond des loges, c'est une autre vie. Adieu musicant. J'avais tout en stock, l'insolence pop. Attitude des sexy choristes, des cuivres en section, la meilleure setliste. J'aurais bien aimé continuer 120 ans, mais ma voix déraille et mon dos me tiraille. Je ne peux plus danser. Je griffe devant la petite Charlotte aux pommes. Monsieur, m'arrêtez de dire, de bouger sur l'image. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes un écervelé, Monsieur Grenier. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Ça a été dit. Avec ou sans Charlotte Gainsbourg. Là! Là! Oui, oui. Merci, merci. C'est tellement gentil, madame. Je ne commencerai plus. Avant vendredi prochain. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Conteuses et nouvelles. Bref, cessons l'introduction. L'intron. Monsieur Létron, vous êtes demandé aux archives municipales de la ville de Saturne. Depuis quand Saturne est une ville? Depuis qu'on a colonisé Saturne, ici, nous les Québécois, nous diffusons à même Saturne. Saturne, c'est l'anneau, c'est beau, c'est grand, c'est chaud, il y a du soleil. Non, c'est pas ça. Phrase de Bukowski, c'est... Si la folie... Ah ben ça, c'est déjà parti, monsieur... Non, c'est madame. Madame... Si la folie vous intéresse, la vôtre ou la mienne, je peux vous toucher des mots de la mienne. Ben, touche! Charles! Charles! On va le réveiller, Charles. Charles! OK. Est-ce que je parle à Charles Bukowski? Et attention, là. Hey! En ce beau 25 avril 2014, on arrive à parler au vrai Charles Bukowski. Charles, tu es là! Là, je tiens à te remercier parce que je t'ai trouvé derrière l'anneau de Saturne. Parce que c'est la première émission ce soir de là-bas. Même CKRL ne s'imaginait même pas qu'on pouvait diffuser d'aussi loin. Puis grâce à toi, mon Charles, tu es quand même notre allumeur. Non, pas notre allumeur, notre flambeau. Bernard, est-ce que c'est notre flambeau, Charles? OK, non, hey, je te demande. Tu te souviens pas ce qui s'est passé avec Bernard, mon Charles? Bon, quand je parle à Bernard, je parle pas à Charles. OK, toi, t'es Charles. Lui, c'est Bernard. Bernard ne peut pas parler parce qu'il est derrière la vitre, il fait des grands signes puis il pleure. Il veut que je coupe. Il a été traumatisé, Charles! Par toi, mon Charles! Tu parles du nid. Non. On revient sur ce phénomène des années, fin des années 80. Pourquoi, mon Charles, à l'émission d'Apostrophe de Pivot, tu t'es ridiculisé. Non, je suis pas. Madame, je ne bois que de jus. C'est du jus de canneberge. Appelez-la, vous allez voir. Non, mais là, ce soir, je crois pas. Mais le matin, parce qu'elle se réveille très tôt le matin, elle se couche très tard l'après-midi pour récolter sa sauce, son jus, sa soupe de canneberge. Elle a donné son nom à son fruit. Ouais. Non, mais je vous demanderai aussi de ne pas la mettre en boîte. Parce que la canne n'aime pas la boîte. Canneberge, boîte. Hein? Hey, Charles, c'est de l'humour. C'est de l'intelligence, hein? Hey, toi, t'as été vidangeur. T'as été aussi bouché. M'entends-tu? T'es pas vraiment bouché. Ouais, tous les hommes, les femmes qui coupent la viande. Moi, je la prends très saignant avec du poivre puis du beefsteak. Non, pas du beefsteak, de l'épice à steak. Parce que la viande avec du beefsteak, c'est de la viande, hein? Double viande. Double viande tranchée, sauce ballonnée, y'a ouais des tontines, y'a ouais de madame, monsieur. OK, monsieur Bukowski. Alors, on a dit que si je peux toucher des mots de la mienne, quels sont vos mots préférés à Port-Rouyn? On vient de faire le tour avec lui, là. Mais ici, je me fie à sa phrase, là. Si la folie vous intéresse, la vôtre ou la mienne, je peux vous toucher des mots de la mienne. Là, ouais, vous croyez... Moi aussi, j'espérais. J'espérais une divulgation. Pivot est là, là, puis il fait des signes, il pleure, il frappe sur la vitre. Heureusement qu'il y a une triple vitre. La première amène le son. Le deuxième amène le raisonnement. Le troisième coupe tout ça. On appelle ça la vitre du sourd. La vitre du sourd? La vitre du sourd. T'entends rien. Tu peux crier. Tu peux manger la première vitre. La troisième ne dira absolument rien. C'est presque un agent secret. C'est pour ça qu'on l'a embauché, on l'a placé, on lui a dit « Colle-toi là, puis parle pas, dis rien. » Invitam Popperman. Oh, comme Madame Tremblay. Madame Tremblay, c'est quand même triste, hein? 61 ans, elle commence déjà à être à Popperman. Elle cultive son champ de Popperman. Moi, j'ai demandé la rose. Elle dit, moi, je fais juste de la blanche. Moi. Je me suis donné, je me suis orienté dans le catéchisme du Popperman aigu. Amado, page 17, qui dit « Sème ta graine de Popperman et tu seras la manger jusqu'à la fin de ton éternité. » Ça, c'est bien. Là, la fin de son éternité à elle, c'est pas la fin de l'éternité pour tout le monde. Moi, je vais mourir à un moment donné. Elle va mourir à un autre moment donné. Peut-être ça va se croiser et on va crever ensemble. Puis ils vont manger son rat de Popperman. C'est très bon, hein? C'est extraordinaire. Merci, Madame Thibodeau. Non, c'est Madame Tremblay qui m'a suggéré que si elle ne veut pas m'en donner, là, de glisser ma main sur sa poche de chemise. Elle en loge 4-5. 4-5 Popperman? 4-5 belles boules de Popperman. Il paraît qu'elles sont Des plus quoi? Ben, il me semble que c'est extra, extra goût, là. C'est quelque chose qui t'amène des hallucinations. Ben, ça le prend pas ça, toi. Non, c'est vrai, surtout. Je vais prendre un verre d'eau, pas de glace, madame. Wow! Avant de terminer en chanson, on va dire la phrase de Bukowski. Monsieur, on s'encharne pas, on se couche pas maintenant. Oui, on va dire. Bon, OK. C'est le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, c'est « Pouchard ou poète? » Non, on va recommencer au début quand même. On a de la classe, nous, là. On n'est pas de la deuxième décennie. Qu'as-tu fait de nos amours qui valsaient de nos retrouvailles? Oh, dis-moi, qu'as-tu fait d'avant? Qu'as-tu fait des ouragans dans nos cœurs et nos grands tourments? Des anges, qu'as-tu fait des cigarettes, de la fumée qu'on soufflait aux étoiles? Oh, dis-moi, qu'as-tu fait du vent qui portait nos cerfs-volants? Gentiment, on frôlait les nuages. De cette avions que l'on prenait, on traversait le ciel. Oh, dis-moi, qu'as-tu fait des voiles? Qu'as-tu fait des océans que l'on voulait et nos grands départs? Un phénomène de voir arriver la troupe dans une campagne avec. Donc, ça amenait un public qui savait pas que ce qui se passait était. Comme par miracle, il y avait rarement moins de 150 personnes le soir. Et ça se terminait au chapeau? Et ça se terminait. Il n'était pas rare qu'on passe le chapeau, mais il était aussi convenu que certaines villes achètent le spectacle. Okay, le maire était, voilà. Le maire était prévenu. Mais par contre, entre deux dates, des fois, on jouait dans deux villes qui, là, pour le coup, qu'on trouva au passage. Okay. Et tu demandais à qui on s'arrêtait avec les chevaux, on frappait à la porte des mairies, on leur proposait de jouer le soir chez eux, dans leur village. Et pour eux autres, c'était quand même épatant de voir le théâtre venir à eux et non pas l'inverse. Là. Oui, alors il y a toutes sortes d'accueils. Parfois, merci beaucoup. Parfois on était mis à la porte gentiment et on nous traitait de gitans. Et puis parfois, sachant que ça n'est pas une insulte, bien entendu. Ça dépendait si le maire était de droite ou de gauche. Je sais pas, j'espère que c'est un peu plus complexe que ça, mais oui, il y a peut-être un peu de ça. Ouais. Ouais, c'est pas si compliqué que ça. Donc, en travaillant de cette façon-là, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une école en soi. C'est une école d'efficacité. Oui. Parce qu'avant même d'être bon, il faut être entendu. Oui. Et donc, il y a ce souci d'efficacité. Il faut que le texte, malgré tous les bruits parasites, parce que quand on joue dans la rue, tantôt c'est derrière une église ou dans la cour, dans un cloître, et ça va être somptueux, une écoute encore meilleure que dans un théâtre. Mais tantôt, c'est à côté de l'avenue principale du village, avec les scooters, avec tout ce que, avec les portes des toilettes publiques qui grincent. Et donc, il faut malgré tout faire entendre le texte. Donc, il y a ce besoin d'efficacité immédiate. Voilà, donc ça, c'est une très bonne école. Et quelquefois, les chansons, c'est toi qui les écrivais, parce que tu me dis qu'on mêlait le théâtre et la musique. J'étais dans cette compagnie, j'ai pas trop composé, j'étais surtout multi-instrumentiste, un petit peu comédien, je faisais un petit peu tout ce qui se présentait, voilà. Mais toi, ta formation académique, c'est laquelle? C'est un bac Autodidacte, bidouilleur. J'ai fait des études qui n'étaient pas du tout des études musicales. Okay. Et après, j'ai piqué la guitare de mon frère un jour, pas tôt d'ailleurs, je devais avoir 17 ans quand je m'y suis mis. Et puis par contre, je lui ai jamais rendu sa guitare. Alors tu lui dois une guitare aujourd'hui, là, si tu t'appelles, tu lui dois une guitare. Ouais, mais on se voit beaucoup et okay. Lui, il c'est un artiste aussi, c'est un très bon chef de cuisine. Oh, ici à Paris? Oui, à Paris. Ah, mais tu me le diras la prochaine fois, j'irai bouffer là. Ah bah avec plaisir. Ok, bah c'est bien. C'est à Bastille, ça s'appelle le Café Truc. Ok, bah la publicité est déjà faite, donc s'il y a des Québécois qui partent pour Paris, là, ce sera un endroit idéal. Très bon endroit, ouais, que des produits frais et très très bon. Du bon poisson. Notamment, ils cuisinent très bien le poisson, mais pas seulement. Ok. Est-ce que ce métier-là te procure encore, l'aventure de tes débuts? Est-ce que tu te sens comme avec cette flamme-là de créateur prêt à promouvoir ton art à travers tout, à travers... À vrai dire, je me suis jamais senti aussi heureux qu'en ce moment en termes de créativité. Je pense avoir trouvé quelque chose en tant qu'interprète qui me permet justement de parler de sincérité tout à l'heure. Ouais. Je pense avoir trouvé... c'est un parcours, hein, la voix, le métier de chanteur, c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais là, je pense avoir, commencé à me rapprocher de mon... comment dire, de mon moi profond. Okay. De mon tome poisson profond. Voilà, de mon tome poisson profond. Mais... le travail de parce qu'à un moment donné, tu t'es adonné à faire des chansons de grands chanteurs français. Et puis après ça, mais pourquoi tu as entrecoupé ta carrière pour te consacrer à un moment donné à d'autres chansons que les tiennes? Alors d'une part, Ferrer, là, on peut parler de Nino Ferrer. Alors d'une part, j'ai pas de plan de carrière, je fonctionne à l'envie. De la même façon, pour composer une chanson, je fais tout à l'intuition en fait. J'ai pas de méthodologie, je déteste les modes d'emploi. Donc là pour Nino Ferrer, on m'a appelé un jour une institution en France qui s'appelle les Jeunesses Musicales de France. C'est une belle institution qui fait découvrir la musique à l'école. Et m'a proposé de faire un hommage à Nino Ferrer. Donc j'ai réfléchi un petit peu parce qu'effectivement, moi ce qui me tient vraiment c'est d'écrire, mais là Nino Ferrer, en réfléchissant un peu, quand j'étais gamin, c'est vraiment un artiste qui me parlait immédiatement. Quand je l'entendais à la radio, je savais pas si c'était les harmonies, les mots qu'il employait, le grain de sa voix, mais il y avait un truc qui se faisait, mais tout de suite, qui me parlait d'une force. Alors je me suis dit, si maintenant moi je peux faire découvrir ça à d'autres gamins, allons-y. Voilà. Et Marguerite Sourard. Voilà, et j'ai jamais fait en plus trop de reprises, de covers et tout ça, donc c'était aussi une occasion de travailler autre chose. Et c'est quand même assez étrange que dans ton enfance, tu écoutais Nino Ferrer, on t'appelle et on te demande de faire un spectacle Nino Ferrer. Eh ben ouais, c'est la vie. Mais je l'écoutais plus quand il passait à la radio. Okay. Voilà, de se procurer des albums. Et, oui, mes parents, ils n'étaient pas trop branchés Nino Ferrer. Ils étaient plutôt les grands classiques de la chanson française. Alors, en explorant Nino Ferrer, qu'est-ce que t'as... Ben, pourquoi eux, cette école, ce réseau d'écoles-là, voulaient Nino Ferrer? Parce qu'ils estimaient que c'était un artiste à qui il fallait rendre hommage. Okay. Ils sont vachement à la transmission. Okay. Alors c'est pas un réseau d'école, c'est un réseau national avec plein de bénévoles partout en France. Et puis il y a une antenne parisienne qui propose un programme. Un programme très vaste, ça va de la musique classique au jazz, au théâtre chanté, à la musique actuelle, voilà. Et... pour que les enfants puissent explorer le monde musical dans son entité. Voilà, et je tourne notamment la nouvelle création que j'ai faite, là, L'homme qui rêvait d'être une girafe, tourne notamment aussi dans ce réseau maintenant. Okay. Alors, donc finalement, ça a été aussi une belle rencontre avec ces gens-là. Tu vas dans les gymnases d'école et tu vas faire ton spectacle? Non, là pour le coup, je vais quand même dans des lieux, dans des centres culturels, dans des théâtres. Ok, alors c'est les enfants... qui viennent à nous. Ah, ben c'est bien ça. Puis en plus, ça crée un genre de décorum de spectacle. Hein. Quand on va nous au théâtre, quand on va voir une pièce, il y a quand même une façon de faire. Au lieu d'aller dans les écoles, c'est les enfants qui ont cette excitation-là d'aller voir un spectacle. Mm-hmm. Hein? Donc c'est un plaisir pour le jeune de rentrer dans un univers comme Nino Ferrer. Mais toi, en explorant ce gars-là, qu'est-ce que tu as saisi que tu avais oublié enfant? Je me suis frotté à tout autre chose, je me suis frotté à l'œuvre vraiment et à l'harmonie. Et là, je me suis rendu compte notamment que les tonalités employées étaient démoniaques à chanter. Donc il fallait souvent les changer. Puis de toute façon, on s'est amusé aussi. Donc j'ai appelé mes deux camarades qui sont Laurent Madiot et Benoît Simon pour monter ce projet. On s'est amusé à surtout pas imiter Nino Ferrer et à surtout pas essayer de faire du rhythm and blues. Parce que c'est un des rares français à l'avoir fait convenablement. Mais à l'inverse, on a désossé les chansons, on est revenu vraiment à l'harmonie pure et on les a désossées plutôt. Et on les a orchestrées de façon assez dépouillée, assez ludique surtout. Et vous avez indiqué afin de proposer ça au public qui ne pouvait pas être sur place? Oui, il y a eu un disque produit par une maison de disques française qui s'appelle Naïve en plus, qui était ma maison de disques avant. Ouais. Mais là, dans la partie jeunesse du... du label, ouais. et ça s'est très bien passé. Ils se consacrent autant aux adultes qu'aux enfants. Ils ont deux branchements. La maison de disques a deux branchements. Oui, il y a un réseau jeunesse et un réseau tout public. C'est mieux que dire pour enfants. Et mettons Poisson, même si tu prépares absolument rien, tu aucun plan de carrière, t'es pas le gars qui vraiment calcule où je serai en 2014, 2015, la tournée. Comment tu fonctionnes dans ce capharnaüm-là, dans cette... Ben, j'essaie juste de me faire plaisir. Même si je me barre aujourd'hui, même si le vent me pousse au loin, même si je tangue, même si ça flingue tes espérances, je t'aimerai quand même, même si mes silences te gênent, même si le temps est à la flemme d'aller plus loin, d'aller plus loin et d'aimer bien, je t'aimerai encore, même si l'affection se tord, même si je vais plus continuer à bien aimer, à m'appliquer sans tout brûler, je t'aimerai tout le temps, il faut que j'y aille, j'ai de la route, puis mon vélo a pas de lumière, je dois filer, faut m'excuser, faut m'envoler, faut m'envoler. M'en veux pas mon amour si je suis pas là exactement à ton réveil, je te demande pardon, j'ai plus sommeil. Je t'invite l'un sur l'autre, on déchirait tous nos vêtements, on différait nos discussions, t'aimais bien dans la salle de bain, les fois où je glissais mes mains. Avoue quand même, qu'est-ce que c'est bête d'avoir laissé filer le son de ma peau sur ta peau coquette. T'aimais bien dans le living room quand on s'aimait sur la moquette. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? C'est passé quoi? Qu'est-ce qui est cassé? Je sais pas, c'est quoi? J'aimais mieux quand t'étais toute nue. J'aimais mieux quand t'étais toute nue. L'envie s'est séparée de nous. Pour eux c'est rien mais c'est beaucoup. J'enlève tout seul mon pantalon. Faut-il se taire et continuer? Faut-il se battre ou bien chialer? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? C'est passé quoi? Qu'est-ce qui est cassé? Je sais pas, c'est quoi? J'aimais mieux quand t'étais toute nue. J'aimais mieux quand t'étais toute nue. J'aimais mieux quand t'étais toute nue. J'aimais mieux avant. Le directeur de production a beaucoup aimé ton travail. On prend un verre, semaine prochaine. Bisous. Serais absente jusqu'au 12 inclus. Merci de votre réactivité. C'est impossible, j'enterre ma mère vendredi. C'est un problème de connexion. Attention, ça n'est pas la bonne connectique. T'es où? T'es toujours chez Champion? Le fichier qu'il m'a envoyé pèse au moins 500 mégas. Avez-vous reçu mon devis détaillé? Je t'aime. Impossible d'ouvrir la pièce jointe. Bisous. À plus. Qui me parle? À qui je parle? Où sont mes amis? Le monde est malade et moi je vais pas bien. Je veux m'éclairer à la bougie. Des fois, dormir avec toi sous un tipi. Pas de téléphone, pas d'antivirus, plus de carte à puce et aucun truc qui sonne. Je voudrais bien faire machine arrière, parfois planter des petits pois dans la terre. Da di da di day. Mais quand on sera au bout du monde, dis-moi, est-ce qu'on va capter? Allô? Allô? Allô, allô? Putain, je capte pas. Bordel. Et toi, t'as combien de petites barres? Est-ce qu'on va capter? De continuer à me faire plaisir. J'essaye par exemple en ce moment d'explorer de nouvelles formes, tout simplement. Là, j'ai écrit le livre disque là, avec, parce que j'avais envie de travailler par exemple avec des illustrateurs italiens dont j'avais connu le travail par internet à l'époque de MySpace. J'avais adoré, pourtant je suis absolument pas dans cet univers graphique moi, mais j'avais vraiment adoré leur univers. Il s'appelle Alle più Alle. Ok, tu veux le dire? Alle plus Alle, c'est-à-dire okay. Alessandro et Alessandra. Ok, voilà. Oh, c'est bien. Et ils ont un talent fou, ils mélangent la peinture, le collage, le numérique, la photographie. Ok, c'est un univers très très... qui est riche. Ouais, très riche au niveau de l'imaginaire. En signification. Ouais. Il mélange tout le temps des créatures, mi-homme, mi-objet, mi-animaux, mi-homme. C'est assez intéressant. Quelque chose qui pouvait enrichir ton univers. Je leur ai juste dit que j'aimais leur travail. Okay. Donc ils sont venus à la découverte du mien, ils ont aimé aussi. Et puis finalement, quelques années après, ils sont venus habiter à Paris. Et là, on s'est rencontrés et je leur ai dit, il faut qu'on travaille ensemble, c'est obligé. Donc j'ai écrit, je me suis mis en tête d'écrire une histoire, mais comme d'habitude, j'ai pas écrit de façon construite, j'ai écrit à l'envers. C'est-à-dire j'ai commencé à partir d'une illustration à eux qui existait déjà, sur les 200 ou 300 que je regardais en boucle. Je me suis arrêté sur une illustration, une situation. J'ai écrit un paragraphe, un personnage, donc une situation, une chanson. Donc j'avais ça, j'avais un paragraphe et une chanson. Après j'ai trouvé un titre qui n'avait rien à voir. Et puis après j'ai déroulé le fil comme ça, sans savoir vraiment où j'allais, ce que j'allais raconter, comment ça allait se terminer. Mais c'est le meilleur moyen pour moi de dire des choses essentielles. Et après tout le projet qui traite de la différence, notamment de l'autisme et tout ça, c'est venu... Ça m'a rattrapé, mais c'était pas une volonté intellectuelle de voilà. Est-ce que tu te considères un peu comme un créateur surréaliste par moment? Non, je peux pas dire ça. Ça c'est pas moi de le dire en tout cas, mais par contre, comme un créateur. Bidouilleur, quoi, parce que je pense que c'est le moyen de... Toujours pareil, à la recherche de cette sincérité, il faut se... comme un créateur, c'est un peu comme de l'écriture automatique, quoi. Ça sort, ce qui doit sortir sort. Allez. Et dans L'homme qui rêvait d'être une girafe, ce qui est rigolo, c'est plein de choses qui m'ont rattrapé, que j'avais oublié, que j'avais enfoui, des lectures qui sont sorties, des vieilles lectures à moi, des bouquins que j'ai lus il y a 10 ans, par exemple, qui m'ont aidé à... Tiens, je me suis rappelé de choses qui m'ont inspiré, etc. Après des amitiés, après des proches aussi, des situations, tout ça te rattrape malgré toi finalement. Et t'as envie d'en parler et tu sais pas pourquoi. Mais ce qui est bien, c'est de lire, c'est de gober et d'oublier un peu pour endormir un peu la vision que t'en avais. Puis dans la création, revivre ça, c'est comme une vague qui revient. Tu oublies. Exactement. Tu oublies un peu, mais là ça te revient avec. Comme une vague, exactement. Oui. Mais lentement, est-ce que ton style se peaufine ou à l'origine, tu avais toujours cette envie-là, cette façon de vouloir présenter la chanson de cette manière-là? Ou si c'est à force d'écrire et d'amener le personnage de Tom le Poisson qu'aujourd'hui, il est devenu quelque chose de très important et de beaucoup plus prononcé qu'au début. Au début, tu étais peut-être... tu tâtonnais, tu vérifiais si tout était fonctionnel dans ton univers ou au contraire, tu avais déjà un univers et tu as voulu le partager. Je maîtrise pas tout ça, à vrai dire. Je sens que j'ai peut-être une certaine un peu plus de savoir-faire, peut-être un peu plus de maîtrise, mais j'ai la même sensation d'être un débutant... qu'il y a 10 ou 15 ans, c'est-à-dire que j'ai la même les mêmes symptômes quand j'ai envie d'écrire, par exemple le même fourmillement, le même type de trac. La seule chose qui s'est un peu évanouie, c'est que je me fais un peu plus confiance et je me dis pas, si j'écris pas de chanson pendant 3 mois, je me dis pas que c'est grave et que j'en écrirai plus jamais. Ça j'ai compris que c'est des... Là, on parlait de vagues tout à l'heure, et c'est vraiment des... On ne peut pas tout le temps être en situation d'écrire. Je sais qu'il y a des artistes qui se forcent à écrire tous les jours et tout. Déjà, moi, ma vie ne me le permet pas. Tantôt, je suis en création, tantôt, je suis en fabrication, tantôt, je suis en tournée, tantôt, je suis en vacances. Donc, je me force pas à écrire absolument tous les jours, parce que ça devient obsessionnel sinon. Okay. En revanche, je me laisse porter par ça. Je me laisse. Avec délice porter par justement ces vagues qui sont. Ces vagues d'inspiration qui viennent et qui s'en vont et qui voilà. Et qui sont en bref, sont non définis. Tu peux t'arrêter comme tu peux repartir sans Exactement. Aucun problème, sans avoir une conscience qui s'alourdit à chaque semaine en disant il faudrait que je fasse quelque chose, là, il faudrait que je prépare un nouvel album, il faudrait que. Exactement. Mais par contre, il y a une chose, c'est que j'essaye de me faire plaisir en explorant des formes différentes. Là, par exemple, j'ai fait un livre disque illustré pour les enfants, mais j'ai vraiment pas écrit en pensant. Aux enfants, en tout cas pas uniquement aux enfants. C'est pour tout le monde. Ah vraiment, pour moi, c'est pour tout le monde, ouais. Okay. C'est un conte, je vais pas dire que c'est philosophique, ce serait prétentieux, mais... Voilà, c'est, ça, ça a cette vocation de parler à tous, j'espère. Il y a plusieurs degrés de lecture. Bah d'ailleurs, moi, en tant que jeune papa, j'ai les spectacles pour... dits pour enfants qui me plaisent. C'est les spectacles qui me plaisent à moi en tant qu'adulte. On dit jeune public. Oui, jeune public, mais du coup, c'est réducteur. C'est familial, finalement, c'est pour tout le monde. Ah oui, oui, mais c'est sûr que papa puis maman doivent se présenter là, mais c'est avant tout pour jeune public. Et si les parents en tirent quelque chose d'intéressant, c'est là que tu as gagné ton pari. Exactement, ah, oui. Bah, j'espère. Et par exemple, dans cette volonté d'explorer des formes un peu différentes, j'ai écrit un... Là, je suis en train d'enregistrer un album, par exemple, en ce moment, mais j'ai écrit une nouvelle avec, en même temps. Donc, c'est à la fois une nouvelle et un disque. Okay. Et les deux peuvent s'appréhender... de façon dissociée, et mais aussi je pense que quand on a les deux, on a une vision plus complète de l'ensemble. Donc je sais pas quand ça va sortir, si ça va sortir, avec qui, etc. Mais en tout cas, je me fais plaisir. Toujours le but, c'est de continuer à se faire plaisir, nous, de l'intérieur, et pas à penser à la sortie. De toute façon, les disques, on n'en vend plus, on en vend très peu. Mmh. C'est compliqué de vendre un objet comme ça. Ouais. C'est devenu quelque chose, un tour de force, mais. Donc, raison de plus pour se faire encore plus plaisir dans la forme. Voilà. Donc là, ce sera peut-être encore un livre-disque, mais il n'y aura pas d'image et ce sera pour les grands. Voilà. Ok, mais celui-là, celui que j'ai, c'est pour tout le monde, tandis que l'autre, ce sera pour les grands. Bah, le prochain album, oui, ce sera peut-être à la fois un livre et un disque, mais ce sera une nouvelle et un album. Voilà. Mais toi, en fait, créer pour... Pour éventuellement ne pas aboutir, ça te dérange pas autant d'efforts pour mettre ça en sourdine, ne jamais voir au grand jour l'œuvre que tu as pioché tranquillement Bah, en général, je suis assez obstiné et, okay. Et je fais en sorte que ça existe d'une façon ou d'une autre. Mais peut-être que tu dis ça pour te donner aucune pression. Non, mais disons que je ne démarre pas le processus créatif. Ouais. Ouais. En me disant que ça doit sortir absolument et ça va plaire à un tel, etc. Mais par contre, quand je sens qu'il y a quelque chose qui tient la route et que j'ai aussi embringué avec moi des gens, parce qu'il y a des gens qui m'aident à arranger, des gens qui m'aident à mettre ça sur scène, etc. Et du coup, je fais en sorte que ça existe, quoi, que ça existe le mieux possible. Je me sens gourd, je suis qu'un balourd, le cœur au bord des lèvres. Je suis poli, trop bien appris, la vie au bord des rêves. Et quand le soir je m'abandonne à blasphémer sur du papier, sûr que le bon Dieu me pardonne, car ma plume est mal affûtée. Je tourne en rond et le ciel m'appuie sur la tête. Mon espoir est aussi fin qu'une allumette. J'suis maudit, pas dégourdi, jamais tiré la fève. Amoureux si malheureux, je pense à vous en rêve. Quand le soir je m'abandonne à penser à vous dans le noir, sûr que le bon Dieu me pardonne, car mes fantasmes dérisoires ne volent pas haut et se heurtent à vos grands yeux noirs. Mon cœur est accroché à une balançoire. Sur la grève, je reste bloqué, tout étriqué. la vie au bord des rêves. Et quand le soir je m'abandonne à hurler ton nom en furie, sûr que les voisins me pardonnent, y a bien longtemps que ma voix déchire plus la nuit. Je traîne au bal, mais mon cœur n'est pas à la fête. Et ça fait mal, l'accordéon et la musette. Allez. Da da da da. Tu vas plus pleurer, tu vas plus gémir, tu vas voyager, danser et sourire. Tu changeras ton nom pour celui d'une fleur, et je te promets, t'auras plus peur. On ira tout droit visiter l'azur, et puis t'oublieras les mots, les injures. Je t'emmènerai changer tes couleurs, apprends ce refrain par cœur. On part, on part, on part pour où tu veux. On court, tant que tu peux. On trouvera les plages où naissent les tortues, où les coquillages à perte de vue colorent des rivages au temps suspendu. Oh mon ami déçu, il est des enfants tout au bout du monde, et leurs yeux géants en moins d'une seconde pourront te soigner, et tu entendras ton cœur cogner fort comme ça. On part, pour où tu veux. On court, tant que tu peux. On part. Les routes, on verra les dunes, et si t'as un doute, il restera la lune. Je ferai tout pour toi, je l'ai fait déjà. Oh mon ami sans voix. We'll be right back. Cette fois c'est sûr je serai plus jamais champion au 110 mètres haies, ni trompettiste en jazz à l'international. Je serai plus jamais président du Nicaragua. Je connaîtrai plus jamais un monde sans Macintosh et sans Coca. Je pèterai pas la gueule à Bruce Lee, je remplacerai pas Pavarotti. Et j'aurai jamais le pied gauche de Michel Platini. Je serai pas Gary Cooper ni Mère Teresa. Je pourrai plus jamais être danseur en moulant rose à l'opéra. Oh, ma vie, mon œuvre, mon pédalo, mes aspirines et mes sirops. Qu'il avance vite, ce pédalo. Je croyais que le lac était plus grand. À mon âge, c'est pratiquement sûr, j'épouserai plus Sophie Marceau. Et y a peu de chance que je passe une nuit avec Vanessa Paradis. J'aurai jamais d'aventure avec Yvette Horner, à moins le coup de bol que mes chansons se mettent à lui plaire. Je serai plus jamais cosmonaute, je conduirai pas supercopter pour aller délivrer Rambo dans Rambo numéro 13. Peu de chance que je tourne un film avec Michel Morgan, que je prenne des cours d'escrime avec la sœur de D'Artagnan. Oh, ma vie, mon œuvre, mon pédalo, mes sinusites et mes suppos. Oula, qu'il avance vite, ce pédalo. Je croyais que le lac était plus grand. Je croyais que le lac était plus grand. Jamais plus les cheveux au vent, jamais plus les claques sur les fesses que me prodigue ma maman avec une infinie tendresse. Au revoir les amoureuses, les palissades jaunies dans la cour de l'école primaire à Châtenay-Malabry. Mais il me reste les châteaux en Espagne, il me reste les vacances en Bretagne. J'ai pas vu Syracuse et puis j'ai pas vu d'Amérique. Je peux encore changer de coiffure ou changer ma voiture. Je peux très bien finir ma vie éleveur de yak en Mongolie. Oh, ma vie, mon œuvre, mon pédalo, mes pharyngites et mes aspros. Oh, qu'il avance vite, ce pédalo. Je croyais que le lac était plus grand. Viva le cima, viva le sea. Viva vos sopas de Paris, di barada. Viva vos sopas, brams di bando fade. Viva vos sopas de... Ma vie, mon œuvre, mon pédalo. Je croyais que le lac était plus grand. Je croyais que le lac était plus grand. Oh, je croyais que mon lac était. Je croyais que ce lac était. Je croyais que le lac était plus grand. Si on regarde les chansons, qu'est-ce que tu veux amener comme propos? Est-ce que tu tiens à décrire une situation? Est-ce que tu es pamphlétaire? Est-ce que tu es réactionnaire? Au contraire, tu veux tout simplement montrer ta vision du monde, de ta réalité. Là encore, ça sort de façon un petit peu automatique, donc j'ai envie de dire que je montre du doigt ce qui pour moi a de l'importance dans la vie, peut-être. Okay. Alors de façon peut-être un peu décalée parfois, comme tu le soulignais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, je dis pour moi ce qui est important dans la vie et j'essaye de... C'est une façon peut-être de faire un peu de politique, c'est une façon de se raconter aux autres et de se raconter à soi-même aussi. Donc au fil du temps, c'est devenu aussi une façon de me raconter à moi-même, je me suis rendu compte. Souvent, tes œuvres te révèlent à toi. Oui, parce que comme j'écris de façon automatique, je ne cherche pas la rime absolument, je ne sais pas ce que je vais raconter à l'avance. Du coup, je comprends moi-même ce que j'ai écrit quelques mois après. Est-ce que l'écriture pour toi est libératrice ou au contraire est quelque chose de particulier? Comment tu envisages ça, la création? Ça se fait souvent dans le plaisir, moi, vraiment. Okay. Je ne suis pas un artiste qui... Quand je ne vais pas bien, je n'écris pas. Ok, alors il n'y a pas de problème de page blanche? Non, quand je vais... Quand je suis pas bien, j'ai pas envie d'écrire, c'est quand mauvais. Quand t'es pas prête, tu n'ouvriras jamais un cahier pour commencer à rédiger. Ouais, je peux essayer, mais c'est mauvais en tout cas. Ok, alors voilà. Il faut vraiment là, que tu aies l'imaginaire galopant, et là, en ouvrant le livre, les jeux commencent à... Il faut qu'il y ait la bonne température, le fourmillement dont je parlais tout à l'heure, cette envie de... presque un besoin de fabriquer un truc, ça pourrait être un objet, ça pourrait être, je pourrais être menuisier, je sais pas, mais... Cette envie de fabriquer, quand elle est là, elle est urgente. Voilà. Donc, ça peut être lié à une lumière, à une température, à des sensations de bien-être, mais c'est souvent lié au bien-être. Et est-ce que tu crois que la chanson française... ben en fait, toi, tu fais partie d'un créneau assez particulier de la chanson française. Donc, en dehors un peu des sentiers battus, j'allais dire marginal, oui, oui, t'es marginal par le fait que ton style l'est et que ta musique ne cadre pas vraiment avec ce qu'on entend normalement dans les radios dites commerciales. Et plutôt, t'as un aspect plus chez nous, à CKRN, nous sommes une radio communautaire, donc t'es diffusé assez souvent puisque tu cadres avec une certaine réalité. De la chanson que notre radio aime bien prôner, c'est-à-dire marginale, d'avant-garde et audacieuse. Donc, est-ce que tu... Je sais pas où je me situe en fait. C'est toujours un miracle quand je rencontre quelqu'un dans la rue et qui me dit qu'il connaît mon album ou qu'il a acheté, voilà, ou qu'il me reconnaît ou. C'est toujours un miracle, donc je sais vraiment pas si je peux me situer dans un courant particulier, dans une famille d'artistes, je sais pas. Moi j'ai l'impression que je peux être un chanteur populaire, vraiment. J'ai pas l'impression d'être dans un décalage particulier. Même si j'aime les chanteurs, moi, qui me touchent le plus, ceux qui m'ont inspiré, ce sont ceux qui sont rarement au premier degré, certes. Ils ont, tu vois, des gars dont j'aime l'écriture en France, c'est bah justement des Lino Ferrer, des Dutron, c'est autre chose pour le coup. Là, il est dans le jeu de mots, lui. J'aime pas les jeux de mots en chanson. Ok, pas de calembour. Non, j'apprécie énormément Bobby Lapointe, mais je sais pas le faire. Okay. Des gars comme Souchon, c'est un peu une façon de dire les choses par l'anecdote ou par le détail. Voilà, j'aime bien les détails, j'aime bien les points de détail qui racontent beaucoup. Voilà. D'une manière assez légère, pas trop appuyée sur le gars qui est un peu au-dessus de ses affaires, c'est ça? Parce que Dutron, c'est ça, c'est un chanteur rock, populaire, mais au-dessus de la mêlée. Bah, disons que par exemple, un Jacques Brel va être au premier degré, et il va être vraiment flamboyant, et j'adore ça, c'est magnifique, mais c'est pas mon truc. Je saurais pas faire ça. Okay. Hurler ma douleur et je vais la raconter autrement, ma douleur. Je vais la raconter par une anecdote, par un point de détail, par un. Pourquoi c'est plus tolérable? C'est moins abrasif comme interprétation, parce que ça peut être. C'est très dur, c'est très. Ça doit créer du mal lorsqu'on interprète quelque chose avec autant d'intensité comme Brel le faisait. Donc toi, tu préfères un peu amener une idée, mais sans trop appuyer sur le fait que tout va mal. Je pense que je le ferais mal autrement, en tout cas. Là, je pense que c'est ma famille d'artistes, s'il y en a une, c'est plutôt ceux qui sont pas justement comme ça dans la flamboyance, ceux qui sont pas dans le premier degré. Mais pour autant, ça veut pas dire qu'ils sont moins puissants, j'espère. Non. Oh oui, un peu de légèreté dans la manière de dire, de divulguer, de... Et dans la façon de livrer la chose. Le message. Ouais. Et quel est le message? Le message, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est un petit peu ce qui pour moi a de l'importance dans la vie. Ça peut, je sais pas, je peux parler de tout. Je peux parler de peut-être de mille valeurs humaines qu'on a tous en nous et qui à un moment donné résonnent plus fort chez moi. Par exemple, le dernier album Trapéziste, le dernier album que j'ai sorti, était un peu, j'essayais de parler de ces notions d'altruisme et de cette difficulté qu'on a de rester tourné vers l'autre, alors que toute la société nous pousse quand même à être vachement individualiste. Et c'est, du coup, il y a un conflit un peu difficile à identifier. Que voilà, ça parle, elle, cette chanson, elle parlait de ça, par exemple. Je sais pas de quoi, je sais pas du tout de quoi je parle, en fait. Là, tu me poses une drôle de question, parce que tu réfléchis pas vraiment. Je réfléchis pas. Pas du tout. Ça peut être un climat, ça peut être comme un tableau, un moment, un instant, comme ça peut être effectivement un propos un peu plus profond, comme trapéziste. Ça peut être, je peux parler d'amour, je peux parler d'amitié, je peux parler de douleur. C'est souvent lié à des choses qu'on ressent, et j'essaye d'en parler de la façon, je pense, la plus sincère possible. Mais tes personnages de chanson, est-ce que c'est des amis que tu connais, ou tu essaies de t'éloigner de ces liens-là pour pas te faire dire plus tard, hey, ça, je me suis vu là-dedans, là, pourquoi tu ne me l'as pas demandé, pourquoi je fais partie d'un de tes personnages? Je sais pas. Il faudrait que tu me dises un petit peu à quelle chanson tu fais référence. Mais est-ce que tu fais attention pour ne pas te rapprocher des gens qui t'entourent au niveau de l'écriture? Le truc, c'est que j'ai un peu oublié les chansons que j'ai écrites, finalement. Okay. Et du coup... Mais il n'y a personne qui te dit, hey, il me semble que tu viens de parler de moi, puis... Non, pas vraiment. Ou alors, non, quand c'est le cas, j'en parle avant. Ok. Posé sur l'océan déçu, petite bouée orpheline, je suis bercé par le reflux. Je viens de quitter ma cabine, il ne m'a pas fallu longtemps pour délester le bastingage et pour sauter dans l'océan. Mon Dieu, qu'il est loin. SOS à sens unique, tu te soucies peu de m'aimer. Mon cœur s'amuse au Titanic, il en faut si peu pour sombrer. Mon cœur s'amuse au Titanic, il en faut si peu pour sombrer. Au revoir, je ne t'en veux guère, des bateaux j'en ai pris beaucoup. Quant à nos navires de guerre, je préfère leur tordre le cou. Petite épave d'infortune, les algues m'ont auréolé. Me voici voguant loin des dunes, pour la mer des tranquillités. SOS à sens unique, tu te soucies peu de m'aimer. Mon cœur s'amuse au Titanic, mais qu'il fait froid dans l'eau glacée. Mon cœur s'amuse au Titanic, mais qu'il fait froid dans l'eau glacée. Ce rivage où je t'ai dit un jour adieu, tu promèneras ton air sage, peut-être ton air amoureux, au bras d'un autre compagnon, blotti pour ne pas avoir froid. Cette bouée sur l'horizon te parlera un peu de moi. SOS à sens unique, tu te soucies peu de m'aimer. Mon cœur s'amuse au Titanic, et comme c'est long l'éternité. Mon cœur s'amuse au Titanic, comme c'est long, l'éternité. Qu'enfin je pose les armes, que je m'élance. Oh, je viens, je suis riche à millions. Je quitte les eaux profondes. Je suis riche à millions. Un jour viens. Et tu comprendras mon essoufflement et ma fuite en avant. Tu sais, je suis riche à millions et d'humeur vagabonde. Je suis riche à millions. Je suis au monde. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chacun s'applique à rêver en silence. Partager fraternité, on avance. Oui, mais comment retrouver des images une fois réveillées? Comment ressentir la brise engourdis position assise. D'être à la hauteur, à moins d'être aviateur. Difficile de rester en piste, à moins d'être trapéziste. On nous dit la vie à deux, merveilleux. À des millions c'est bien mieux. Cache tout, je crois que c'est moi qui ne vois plus rien. Aveuglé, oncle Picsou, sur le palier on crève de faim. Difficile d'être à la hauteur, à moins d'être aviateur. Difficile de rester en piste, à moins d'être trapéziste. J'ai encore oublié ma liste. Où sont mes priorités? D'être humaniste dans un monde surdimensionné. Difficile d'être à la hauteur, à moins d'être aviateur. Difficile de rester en piste, à moins d'être trapéziste. Chers amis, si si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.